trop violent. Ils ont le cerveau en cambriolé. Provenant d'une maison non pavillonnée. J'suis pas millionné, j'suis pas millionné, non j'suis pas millionné. J'suis pas millionné, j'suis pas millionné, non j'suis pas millionné. Respecte-toi, respecte-moi. Punchline enfin je crois. Tu veux que j'y fasse quoi si tu comprends pas? Il couche en bas de ce putain de gay, de ces putains buzz, de ces putains clics, de ces putains fame. La vie je la traîne, la vie je la traîne par le chignon. 92 400 millions, j'agis ma vie dans mes visions. Les rages s'excitent à ma vision. Jalousie croisée lors de ma mission. Mystique, sismique, fut l'incision. Seule qualité qui fait défaut, discerner les vrais défauts. Détonation de flingue de bang me sert d'écho. La vie réelle resserre les taux. 2017 c'est très très chaud. Tu testes, tu crèves pas d'ex-écho. J'suis trop violent, ils ont le cerveau en cabriolé. Provenant d'une zone non pavillonnée. J'suis pas millionnaire,